بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثاني من تفسير الجزء الأخير من كتاب الله تعالى Nous sommes donc au deuxième cours dans l'exégèse du dernier juz du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقد رأينا في الدرس الماضي قول الله عز وجل. Nous avons vu lors du dernier cours, donc lors du premier cours, la parole d'Allah ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah ar-Rahman ar-Rahim, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Sur quoi s'interroge-t-il? Concernant, il s'interroge sur la nouvelle grandiose, celle sur laquelle il diverge. Non, ils sauront bientôt. Et encore non, ils seront bientôt. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى قُدْرَتِهِ. Et ensuite, Allah le Très-Haut, il cite ce qui montre sa puissance. Il dit alors, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de facilité? وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ. Ainsi que les montagnes. N'avons-nous pas placé les montagnes en piquet? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et nous vous avons créé en couple. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé en couple. On verra cela bien entendu tout à l'heure. Et n'avons-nous pas placé votre sommeil comme repos et la nuit comme abri qui recouvre et la journée pour les affaires de votre vie? وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Et nous avons placé au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Et nous avons placé une source de lumière flamboyante. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Et nous avons fait descendre des nuages une eau abondante. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Afin d'en faire sortir des grains et des plantes, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, ainsi que des jardins luxuriants. فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ بَعْضَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا لِنَتَأَمَّلَ فِي ذَلِكَ. Allah le Très-Haut, il a cité dans ces quelques versets certains des éléments qu'il nous a accordés. Certains des éléments par lesquels il nous a fait, certains des éléments qu'il nous a accordés et qu'il nous a fait bénéficier, afin que nous puissions y méditer. Faqala ta'ala, Allah le Très-Haut, il dit, Elam naj'ali l'arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de facilité? Un lieu facilité. أي ممهد لكم لجميع مصالحكم فعليها تحرثون وتزرعون وتبنون مساكنكم والطرق وغير ذلك. C'est-à-dire que cette terre sur laquelle nous vivons, elle a été rendue facile afin que nous puissions y faire tout ce qui nous est profitable. car sur cette terre, nous allons labourer, nous allons cultiver, nous allons construire nos maisons, des routes et autres que cela. Ta'ammalou fi hadha, méditez donc, ô mes frères, sur cela. El-insan wajada hadhihi al-ard kama kanat. L'être humain a trouvé cette terre comme elle était. Taqbalu al-harf wal-bina. Cette terre, elle accepte le fait de labourer, le fait de construire, le fait de planter. Fahal nahnu ikhtarna hadhihi al-ard aw annana wajadna anfusana 'alayha. Est-ce que c'est nous qui avons choisi cette terre sur laquelle nous vivons? Cette terre aussi facilitée? Ou alors, est-ce que nous nous sommes trouvés sur cette terre? فَلَا وَجَدْنَا أَنفُسَنَا عَلَيْهَا فَمَنَ الَّذِي اخْتَارَهَا لَنَا. Et donc, si nous nous sommes trouvés sur cette terre, qui est donc celui qui l'a choisi pour nous? وَلَمْ يَخْتَارْ لَنَا أَرْضًا يَشُكُّ الْمَعِيشَ عَلَيْهَا. Et il n'a pas choisi une terre. Il n'a pas choisi pour nous une terre sur laquelle il est difficile de vivre, sur laquelle on ne peut pas planter, on ne peut pas construire. Tu construis un bâtiment, il s'effondre, se fait avaler par la terre, engloutir, ou autre. Allah tabaraka wa ta'ala nous a placés sur une terre qui est facilitée. Nous traçons des routes, construisons des maisons et autres. Falillahi alhamdu kullu. Alors à Allah revient toutes les louanges. Et ensuite il dit tabaraka wa ta'ala, il dit le très haut après cela, wal jibala autad. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de facilité et des montagnes des piquets? فهذه الجبال جعلها الله تبارك وتعالى على الأرض تمسكها حتى لا تضطرب. Et donc ces montagnes, Allah تبارك وتعالى les a placées sur la terre afin que ces montagnes les retiennent. Ces montagnes la retiennent, cette terre, afin que celle-ci ne tremble pas et ne se fende. والسؤال إلى منكر وجود الله وقدرته. هل الإنسان هو الذي وضع هذه الجبال؟ هل الإنسان هو الذي وضع الجبال في هذه الأماكن أو أنه وجدها حيث كانت؟ Question à ceux qui rejettent l'existence d'Allah et qui rejettent sa puissance. Est-ce que l'être humain, c'est lui qui a placé ces montagnes à ces endroits, ou alors il les a trouvées où elles étaient? فَإِنْ وَجَدَهَا حَيْثُ كَانَتْ فَمَنِ الَّذِي وَضَعَهَا هُنَاك. Et si l'être humain a trouvé les montagnes où elles étaient, alors qui les a placées à cet endroit? Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Et nous vous avons créé en couple. أَيْزُكُورًا وَنِثَاءً. C'est-à-dire des hommes et des femmes. فَكُلُّ مِنَّا يَسْكُنُوا إِلَى الْآخَرِ وَيَتَمَتَّعُ بِهِ. Chacun d'entre nous va donc trouver de l'apaisement chez l'autre. Et il va pouvoir jouir de l'autre. وَمِنْ ذَلِكَ تَتَكَوَّنُ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ فِي مَا بَيْنَهُمْ. Et à partir de cela, va se former l'amour et la miséricorde entre les deux. وَهُوَ سَبَبٌ لِلتَّنَاسُلِ. Et ceci aussi est une cause pour la reproduction. فَاللَّهُ تَعَالَ لَمْ يَخْلُقِ الرِّجَالَ فَقَطْ وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْلُقِ النِّسَاءَ فَقَطْ. Et donc Allah, il n'a pas créé seulement les hommes, et il n'a pas non plus créé seulement les femmes. بَلْ خَلَقَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ لِيَحْتَاجَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ. Mais il a créé les hommes et les femmes afin que chacun ait besoin de l'autre. وهذه نعمة من الله علينا تستلزم الشكر. Et ceci est un bienfait d'Allah sur nous qui implique le remerciement. والشكر يكون بالقيام بما يرضي الله. Et le remerciement se fait par l'accomplissement de ce que Allah aime et agrée. فالذي أنعم على الرجال بوجود النساء وعلى النساء بوجود الرجال هو الذي حرم عليهم الزنا وشرع لهم الزواج. Car celui qui a certes accordé aux hommes le bienfait des femmes et qui a certes accordé aux femmes le bienfait des hommes, c'est aussi celui qui leur a interdit la fornication et qui leur a légiféré le mariage. ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون إلا إذا وقع عليهم البلاء. Cependant, beaucoup de personnes ne comprennent que lorsque le malheur les touche. Lorsqu'ils sont touchés par le malheur, alors là, ils comprennent. أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإذا كثر الزنا كثر القتل ووقع الطاعون. Al-Hakim a cité dans son livre Al-Mustadrak, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit: et si la fornication, et si il y a beaucoup de fornication, alors il y aura beaucoup de meurtres et les épidémies vont apparaître. Fata'ammalu ibadallah fi hadhihi al-bilad allati na'ishu fiha sawa'an fi France ou fi Martinique أو غيرها كيف انتشر الزنا والله المستعان. Alors méditez, ô serviteurs d'Allah, sur ces pays dans lesquels nous vivons, la France ou alors la Martinique ou autre, comme s'est propagée la fornication, والله المستعان. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وجعلنا نومكم سباتا, et nous avons fait de votre nuit, de votre sommeil, un repos. فالإنسان يستريح من الأشغال. فكون الإنسان ينام ويستريح نعمة من الله. Et donc, l'être humain va se reposer de toutes ses occupations. En effet, le fait que l'être humain dorme et se repose est un bienfait venant d'Allah. تأملوا يا عباد الله في حال الذين لا يجدون النوم لا بد ان يتداووا وقد يتجننون من قلة النوم. Et donc méditez, ô serviteurs d'Allah, sur la situation de ceux qui n'arrivent pas à dormir. Il est impératif qu'ils se soignent et il se peut que certains deviennent fous à cause du manque de sommeil. Il se peut qu'ils soient touchés par la folie. فَالنَّوْمْ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. Et donc le sommeil, le fait de dormir, est un bienfait venant d'Allah. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Et nous avons fait de la nuit un abri qui les couvre. فَالْلَيْلْ يَغْشَ الْعِبَادِ وَلَا يُمْكِنُهُ مَنْ يَتَحَكَّمُوا فِيهِ. Et donc, la nuit va couvrir les serviteurs. La nuit va les recouvrir. Et il ne leur est pas possible de gérer cette nuit. Il ne leur est pas possible de gérer cette nuit. فَالْلَيْلُ يَغْشَاهُمْ بِظُلَامِهِ ثُمَّ يَتَجَلَّ النَّهَارُ وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ. Et donc la nuit va recouvrir les serviteurs par son obscurité. Puis la journée va apparaître de façon claire et les serviteurs d'Allah ne peuvent rien faire pour gérer cela. Ne peuvent rien faire pour modifier cela. Personne ne peut dire qu'il va arrêter la nuit ou faire que la nuit va durer plus longtemps ou moins longtemps ou alors la journée plus longtemps ou moins longtemps. Personne ne peut faire cela. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui gère le fait que la nuit, elle nous couvre Et nous sommes impuissants face à cela. فَالْلَيْلُ وَالنَّهَارُ آيَاتَانِ دَلَّتَانِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ وَضَعْفِ الْإِنْسَانِ. Et donc le jour et la nuit sont deux signes montrant la puissance d'Allah et la faiblesse de l'être humain. فَالْإِنْسَانِ مُسْتَسْلِمٌ لِلَّهِ شَاءَ أَوْ أَبَى. Car en réalité, l'être humain, il est soumis à Allah, qu'il le veuille ou pas. Que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à Allah. Tu ne peux pas arrêter le jour ou arrêter la nuit. Tu es soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Et ensuite, Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا. Et nous avons fait de la journée un moment pour vos affaires. Un moment pour vos affaires de la vie. وفي هذا تنبيه إلى أن وقت النوم هو الليل ووقت الاشتغال هو النهار. Il y a en cela le fait d'attirer l'attention vers le fait que le moment pour dormir est la nuit et le moment pour les occupations est le jour. خلافا لما نراه عند كثير من الناس. Contrairement à ce que nous voyons chez beaucoup de personnes. تجدهم يبيتون الليالي مشغولين بالجوال على الواتس. Et donc tu vas trouver des gens qui vont passer la nuit occupés par le téléphone sur WhatsApp ou autre application. أو مع الأصحاب يضيع وقته. Ou alors avec ses amis, il perd son temps. ثم لا تجده في صلاة الفجر وينام في النهار. Et ensuite tu ne trouves pas cette personne accomplir la prière du Fajr. Tu ne le trouves pas à la mosquée quand tu y vas. À la prière du Fajr, la prière de l'aube. Et parce que cette personne a besoin de dormir à ce moment-là. Et cette personne va dormir durant la journée. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. فهذه السماء المحكمة هل الإنسان هو الذي أوجدها. Et donc ces cieux qui sont parfaitement créés, est-ce que c'est l'être humain qui a fait qu'elles sont à cet endroit en hauteur. فمن الذي أوجدها. Qui a fait que ces cieux soient là, existent. فهذه السماء لها منافع كثيرة لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها ومن هذه المنافع الشمس. Et donc ces cieux contiennent énormément de profits et il n'est pas possible à l'être humain de se passer des profits qu'il y a dans les cieux, et parmi les profits des cieux il y a le soleil. ولهذا قال الله تعالى بعد ذكر السماء وجعلنا سراجا وهاجا. Et c'est pour cela que Allah, il dit après avoir cité les cieux, il dit وجعلنا سراجا وهاجا. Et nous avons placé une source de lumière flamboyante. فنور الشمس وحرارتها ضرورتان على الإنسان. Et donc la lumière du soleil ainsi que sa chaleur sont deux éléments qui sont une nécessité à l'être humain. Il ne peut se passer de cela. فيعيش الإنسان على هذه الأرض التي ليست ببعيدة من الشمس إلى درجة أنه لا يشعر بحرارتها ولا ينتفع بنورها. Et donc l'être humain va vivre sur cette terre qui n'est pas très éloignée du soleil, à tel point qu'il ne profite pas, qu'il ne ressente pas sa chaleur et qu'il ne profite pas de sa lumière. La terre sur laquelle nous vivons, elle n'est pas très éloignée du soleil, elle n'est pas trop éloignée du soleil, à tel point que l'on ne puisse pas profiter de la chaleur et de la lumière du soleil. وكذلك هذه الأرض ليست بقريبة من الشمس إلى درجة أنها تحترق بحرارتها. Et de la même façon, cette terre sur laquelle nous vivons, elle n'est pas proche du soleil. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop proche du soleil, à tel point qu'elle brûle à cause de la chaleur du soleil. فَمَنِ الَّذِي قَدَّرَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْإِنسَانِ. Qui a donc déterminé cette distance qu'il y a entre le soleil et l'être humain? وَمَنَ الَّذِي قَدَّرَ دَرَجَةِ حَرَارَتِهَا. Qui est celui qui a déterminé la chaleur, le degré de la chaleur du soleil? هَلِ الْإِنسَانِ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ. Est-ce que l'être humain, c'est lui qui a fait cela? Femen. Alors qui? Qui a fait cela? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Et nous avons fait descendre des nuages une eau abondante afin d'en faire sortir des grains et des plantes, ainsi que des jardins luxuriants. Ya ayyuha al-mustami' ta'ammal fi hadhihi al-kalimat. Ô toi qui écoutes, médite sur ces quelques paroles. Sawa'an kunta musliman aw nasraniyan aw yahudiyan aw mulhidan. Ta'ammal. Que tu sois musulman ou chrétien ou juif ou athée, alors médite sur ces quelques paroles. Ennas fi hadhihi al-ayyam yakhafun al-halak. Les gens durant ces jours, durant cette période, ils ont peur de la mort. Fa dhahabu ila al-mahallat يشترون ما يكفيهم من الطعام والشراب لمدة طويلة لأنهم يعرفون ويعترفون أن هذا الطعام وهذا الشراب من ضروريات حياتهم. Et donc les gens, ils ont peur pour leur vie. Ils sont donc allés, ils ont couru dans les magasins pour acheter ce qui leur est suffisant comme nourriture et boisson pour une longue période, car ils savent et ils reconnaissent pertinemment que la nourriture et la boisson font partie des nécessités de leur vie. Ils savent qu'ils ne peuvent se passer de la nourriture ni de la boisson. فهذا الذي ستأكله إما أن يخرج من الأرض فيحتاج إلى الماء وإما أن يكون من جنس الحيوانات فيحتاج أيضا إلى الماء. Et donc, cette nourriture que tu vas manger, soit elle vient de la terre, et donc elle a besoin de l'eau, avant d'arriver dans ta main, elle a eu besoin de l'eau, cette nourriture. Ou alors, cette nourriture va faire partie des genres, du genre animal, et va aussi avoir besoin de l'eau. L'animal qui a besoin de s'abreuver. Bel, anta, ayyuha al-insan, tahtaju ila al-ma. Mais plus encore toi, l'être humain, tu as besoin de l'eau. Fahal al-insan huwa alladhi ya'ti bi hadha al-ma min as-sama. Est-ce que l'être humain, c'est lui qui vient, qui fait descendre cette eau du ciel? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, dans une autre sourate, il dit: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Avez-vous vu cette eau que vous buvez? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre des nuages? Ou alors c'est nous les descendeurs? Ou alors c'est nous, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, qui l'a fait descendre? Si nous voulons, nous en faisons une eau salée. Si nous voulons, nous en faisons une eau salée. Fela'ula tashkurun. Alors pourquoi est-ce que vous ne remerciez pas? Pourquoi ne pas remercier Allah, le seul à gérer toutes ces choses? Est-ce que tu imagines une eau salée partout? On ne peut pas utiliser cette eau pour nos plantes. Est-ce que tu imagines? Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité, nous a accordé une eau que nous pouvons boire. Ya ayyuha an-nasrani. Lima ta'budu man la yastati'u an yunzil 'alayka al-matar. Ô toi le chrétien, pourquoi est-ce que tu adores celui qui ne peut pas faire descendre sur toi la pluie? Kan al-ma'u mawjoudan 'ala hadhihi al-ard qabla wujud Isa. L'eau était présente sur cette terre avant Isa, Jésus. فَلِمَا لَا تَعْبُدُ خَالِقَ الْمَاءِ وَتَتْرُكُ مَا سِوَاهُ. Alors pourquoi est-ce que tu n'adores pas le créateur de l'eau, lui seul, et que tu ne délaisses pas toute autre chose? فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبْ يَوْمِيًّا. Allah, c'est celui qui a fait descendre sur toi cette eau que tu bois tous les jours. والحيوانات والنباتات التي تأكلها تحتاج كذلك إلى هذا الماء الذي أنزله الله تعالى. De la même façon, les animaux et les plantes que tu manges, eux aussi ont besoin de cette eau que Allah a fait descendre. ثم تذهب وتعبد غير الله. Et après tout cela, après que Allah ait fait descendre la pluie des nuages, et qu'il ait fait pousser ses plantes de la terre, qu'il t'ait accordé une terre sur laquelle tu peux planter des grains, tu peux travailler cette terre, tu peux vivre sur cette terre, construire tes maisons, tracer la route. Après tout ce qu'il t'a accordé, tu vas adorer autre que Allah. Inna shirka la zulmun azim. Certes, le polythéisme est une injustice profonde. Fantahina ayyuha al-ikhwa min hadhihi al-ayat. Nous avons certes fini ces quelques versets, ô mes frères. Nous avons vu en tout, hier et aujourd'hui, 16 versets, si je ne me trompe pas. Et nous verrons, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine, la suite de cette sourate, sourate An-Naba, et nous allons aborder donc le châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir donc blâmé ceux qui rejettent et qui mécroient en la résurrection, il a cité des éléments prouvant sa puissance, sa toute puissance. Et après cela, il nous cite tabaraka wa ta'ala, le châtiment. Le châtiment qu'il réserve à ceux qui mécroient en sa parole, à ceux qui ne croient pas et qui ne se soumettent pas à ses ordres, il est certes capable de toutes choses. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les pieux et parmi ceux qui se soumettent pleinement à lui. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.